Samedi le 7 janvier 2023, c'est le moment de suivre le journal de ce samedi. Voici d'abord les titres. L'Association burundaise des consommateurs à Bukau salue les mesures prises par le ministère de la Santé publique de lutter contre l'épidémie de choléra. Noël Mundidza, secrétaire général de la Bukau, demande le renforcement de ces mesures dans les lieux où les gens achètent des vivres comme dans des boutiques. Qui invite tous les consommateurs à être vigilants. Et les jeunes qui ont présenté leur projet au sein du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, plus de 80% ont bien exécuté les projets. Vous l'entendrez dans cette édition avec Désiré Maniakiza, coordinateur des projets de PAEJ. Quatre équipes féminines, quatre masculines, membres de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, jouent ce samedi le tournoi de clôture en mairie de Bujumbura. Il s'agit dans quelques secondes. La mise en onde est assurée par Safina Kedman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les jeunes qui ont présenté leur projet au sein du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, plus de 80% ont bien exécuté les projets. Désiré Manirakida, coordinateur des projets, signale qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas respecté les consignes. Il annonce qu'il prévoit construire un centre de commerce. Suivez-le. Si j'essaie de faire une observation détaillée, je dirais que les jeunes qui bénéficient des financements du PAEJ peuvent être classés en quatre catégories. La première catégorie est la plus importante, c'est la catégorie des jeunes qui ont compris le programme, les enjeux du programme et qui essaient de suivre étape par étape ce qui est inscrit dans leur plan d'affaires. Et ici, ça veut dire que les jeunes qui ont obtenu les financements du PAEJ sur le terrain travaillent dans le but de mettre en œuvre les activités qui avaient été prévues. Ça, c'est la première catégorie. Et donc, comme je le disais, la plus importante, à hauteur de plus de 80%. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des jeunes qui ont obtenu des financements du PAEJ, mais qui ont peur des échecs et qui décident donc finalement de garder l'argent qu'ils ont reçu sur leur compte. En fait, si j'utilise une logique parabolique, c'est comme ce que nous apprend la Bible, ces gens qui ont décidé de garder le talent plutôt que de l'utiliser. La troisième catégorie, c'est la catégorie des jeunes qui ont détourné les projets. Alors, quand je parle de détournement de projet, il s'agit des cas où le jeune a demandé un financement, peut-être pour l'élevage de porcs, et finalement, vous le retrouvez en train de vendre les arachides en bordure de route. Ça veut dire que c'est pourquoi il avait demandé le financement, ce n'est pas réellement ce qu'il est en train de faire. La quatrième catégorie et la dernière, et d'ailleurs la moins importante, c'est la catégorie des jeunes qui ont utilisé les fonds qui leur ont été alloués pour d'autres fins. Certains ont décidé de tourner purement et simplement l'argent. Là, je vous donne l'exemple d'un jeune qui avait bénéficié du prix du concours qu'on a organisé en juillet et qui a utilisé l'argent non pas pour faire le projet qui avait été élu, mais plutôt pour voyager. Il est parti parmi les jeunes, la vague de jeunes qui sont partis en Serbie. Il y a également dans cette même catégorie un jeune qui a décidé de retirer l'argent et ne pas l'utiliser pour ce pourquoi il l'avait demandé, mais plutôt pour le mettre en usure, c'est-à-dire qu'il donne cet argent à d'autres jeunes qui lui versaient en fait des intérêts. Je dirais que je suis satisfait de ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui parce qu'une grande partie de ces jeunes a suivi étape par étape ce qui avait été convenu entre ces jeunes et le PAEJ. Et les cultivateurs de la zone Gassanda en commune et province Bururi demandent que le prix d'un kilogramme de café cerise de 800 francs burundais soit revu à la hausse jusqu'au moins à 2000 francs burundais. C'est au moment où certains ont déjà abandonné cette culture en faveur des autres qui leur donnent plus d'argent par rapport au café. Juvan Daikenda, chef de cabinet du gouverneur de cette province, qui procédait ce vendredi au lancement provincial de la campagne de pulvérisation, appelait ses cultivateurs à bien entretenir cette culture d'exportation qui fait entrer des devises utilisées dans les importations de différents produits. Les détails avec Zeno Nzambiman. Certains des caféiers dans la zone Gassanda de la commune de Bururi sont bien entretenus. D'autres, au contraire, sont en voie de disparition. C'est notamment les caféiers associés avec d'autres cultures, comme le manioc et d'autres. Zerbabel Bagumako, chef de cette zone, confirme que la majorité des agriculteurs le font ainsi, ce qui diminue aujourd'hui la production du café dans cette zone. Les agriculteurs qui entretiennent convenablement les caféiers, de même que ceux qui les ont déjà abandonnés, disent qu'ils sont aujourd'hui découragés par le prix d'un kilogramme de café cerise, alors que les travaux d'entretien comme le sacrage, le paillage et d'autres coûtent énormément cher. Ce qui pousse certains agriculteurs à associer les caféiers avec d'autres cultures qui apportent plus d'argent. Ils font savoir qu'au lieu de cultiver le café dont le prix est 800 francs burundais le kilogramme, préfèrent plutôt le manioc qu'ils vendent juste après la récolte à un prix variant entre 1100 et 1500 francs burundais. Les agriculteurs de la zone Gassanda demandent que le prix du café cerise soit revu à la hausse jusqu'à 2000 francs burundais ou même plus. Cela a été dit ce vendredi sur la colline Burunga de cette zone où se déroulaient les activités du lancement provincial de la campagne de pulvérisation des caféiers. Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi qui procédait au lancement de cette campagne, a appelé les agriculteurs à aimer et à entretenir cette culture d'exportation qui fait entrer des devises, les devises qui sont utilisées dans l'importation des différents produits, dont les médicaments, et aux techniciens agronomes à assurer un bon encadrement pour augmenter la production du café. Glorieuse Niyubahwe, directrice du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, quant à elle, appelle les jeunes à cultiver le café, car sont eux qui sont capables de l'entretenir plus que les plus âgés. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Actualité sportive à présent, quatre féminines et quatre autres masculines. Membre de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, VAB, joue ce samedi le tournoi de clôture en mairie de Bujumbura. Ezekiel Yaramunze, président de la VAB, précise que les équipes qui vont remporter la finale prévue ce dimanche auront différents prix, y compris les trophées suivis au micro de Jean-Marie Vianing Nakuman. Chaque fois qu'on termine le championnat local au niveau de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, on prévoit un tournoi de clôture pour les quatre premières équipes. Pour le côté dames et pour le côté hommes. Vous voyez le Kinzo qui est en première position au championnat local et Gaposmos et Muzinga aussi. Ce sont les quatre premières équipes qui se sont classées premières dans le championnat local de Jumbo. Et puis, quel sera le sort des équipes qui vont atteindre le niveau de la finale? Les équipes qui vont gagner seront primaires. Les meilleurs joueurs par le poste seront primaires, comme d'habitude. Vous organisez ce tournoi au moment où vous venez de terminer le championnat de la Coupe du Président. Est-ce que c'est facile d'organiser ce genre de tournoi successivement? C'est le calendrier. On respecte le calendrier sportif parce qu'on a le calendrier de match au niveau fédéral et même au niveau de l'association. Et vous vous souvenez aussi que la semaine prochaine, on va quand même entamer la deuxième phase du championnat national au niveau fédéral. C'est aussi dans le cadre d'aider les équipes d'une façon compétitive pour se préparer même aux compétitions nationales ainsi qu'aux compétitions fédérales. Et quel appel assez aux amateurs de volleyball? Pour les amateurs et les acteurs de volleyball, je vous invite à nous soutenir et à soutenir aussi les joueurs, les équipes, pour quand même que demain ou après-demain, même au championnat national, les équipes de Laval vont se classer parmi les premières équipes. Et ce sera l'honneur pour nous, en tant qu'association de volleyball de Bujumbura. Et aussi, c'est l'honneur pour la fédération et aussi pour le pays. L'association burundaise des consommateurs à Buko salue la mesure prise par le ministère de la Santé publique de lutte contre la propagation de l'épidémie de choléra. Noël Mundida, secrétaire général de la Buko, demande le renforcement de ces mesures dans les lieux où les gens se rassemblent beaucoup, comme dans les marchés, dans les boutiques, invite tous les consommateurs à être prudents, à être vigilants, suivez-le. Oui, l'association burundaise des consommateurs salue la mesure du ministère de la Santé de prendre des dispositions utiles contre le choléra qui est apparu dans le quartier nord de la ville de Bujumbura. Mais voudrait aussi appeler à la vigilance des autres zones et quartiers, surtout en matière de la rue, les beignets, ça n'est pas totalement garanti. Finalement, demain après demain, on ne trouve pas que cette maladie se propage ou s'est propagée dans d'autres zones. Donc ce sont des mesures de précaution qui doivent finalement être prises par d'autres responsables des zones encore atteintes, non encore attaquées par cette maladie. L'actualité internationale. Avant de mettre fin à cette édition, actualité internationale, cela fait pratiquement 2 semaines que la Commission électorale nationale indépendante a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'Ouest de la RDC. Le gouvernement congolais tient au respect du calendrier électoral pour ces élections prévues en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi l'a d'ailleurs rappelé dans son discours sur l'état de la nation le mois dernier. Du côté de l'opposition, s'il est clair que la Mouka de Martin Fayoulou, bien que critique vis-à-vis du processus, va participer, ce n'est pas si clair pour le parti de l'ancien président Joseph Kabila. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Ornella Moucho et Séraphine Akizmana sur la mise en onde. Et dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. De la presse. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue hebdomadaire de la presse. La police nationale donne des instructions relatives au contrôle routier. L'agence Net Presse revient ici sur les instructions de l'inspecteur général de la police nationale, le général-major de police Frédéric Woudomo, à tous les commissionnaires régionaux relatives au contrôle routier. Le document datant du 4 janvier indique qu'il y a un nombre très important de points de contrôle, les uns superposés aux autres, qui sont par ailleurs quasi stériles au regard de leur rentrée, allusion faite aux amendes transactionnelles. Il trouvait que certains points de contrôle routiers sont devenus une entrave à la bonne circulation des personnes et des biens. En guise de solution, compte tenu des attentes de la population à laquelle la police nationale est appelée à servir, il a décidé que désormais, tout commissariat provincial n'a droit qu'à un seul point de contrôle routier à l'endroit à l'entrée ou à la sortie de la province, à l'exception de certaines particularités. Le journal La Voix de l'enseignant écrit sur une coopérative 100% enseignant. Une innovation ambitieuse selon notre confrère. C'est un groupe d'enseignants qui vient de créer une coopérative qui compte initier 4 projets qu'elle veut développer, à savoir Umurezi Microfinance, Hôpital et Mutualité Umurezi, Centre de Formation Professionnelle Umurezi et une agence de transport Umurezi. Une coopérative du personnel de l'enseignement pour le développement au Burundi, Kopedebu en sigle, est active actuellement dans le secteur de l'éducation. Objectif, valoriser les conditions de vie des enseignants au Burundi, selon Patrice Ndekatouane, représentant légal de la coopérative. Pour lui, et à lire le journal La Voix de l'enseignant, les conditions de vie dévalorisent certains enseignants dans leur milieu social. L'enseignant se trouve dans une incapacité d'investir alors qu'il devrait être un exemple parlant dans son milieu de vie, soutient-il. Parmi les 4 projets en vue, seule la microfinance Umurezi est déjà fonctionnelle. La microfinance œuvre à Chatagna en province de Gitega et a déjà commencé à octroyer des crédits depuis le mois d'octobre 2022. 20 coopératives d'orpailleurs sont autorisées à poursuivre les activités d'exploitation de l'or sur 23 sites miniers éparpillés dans les différentes communes du pays à partir du 2 janvier 2023. L'agence burundaise de presse cite ici le compte Facebook de l'Office burundais des mines et carrières, OBM en sigle. Cette liste est sortie après la réunion que le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a animée le 27 décembre 2022. En province de Ngozi, à l'endroit des responsables administratifs et sécuritaires ainsi que des coopératives des orpailleurs dans le cadre d'évaluer la production de ces coopératives depuis la signature d'un contrat d'essai. Il a recommandé à cet effet que seules les coopératives ayant atteint chacune 1 kg d'or sur les 6 mois d'essai pourront continuer les activités tandis que celles ayant eu une production inférieure seront rayées de la liste. Quand le vibrion fauche des vies, c'est là le titre du magazine socio-économique Burundi Echo. Ce n'est plus un secret. La guerre a été déclarée le 1er janvier 2023 par la ministre en charge de la santé publique lorsqu'elle annonça l'épidémie de choléra, une maladie potentiellement mortelle dans les districts sanitaires nord et centre de la capitale économique Bujumbura. Les experts en la matière avisent que la cause de cette maladie qui fait paniquer est la consommation d'une nourriture ou d'une eau contaminée par les excréments d'une personne infectée. La source de cette pathologie étant notamment la consommation des légumes crus ou du poisson, des fruits non lavés, de la nourriture vendue dans les rues, le contact direct de personne à personne, etc. Les foyers de propagation identifiés par les autorités sanitaires sont le quartier Bukirasazi 1 de la zone Kinama, les quartiers Chibitoke et Mutakura de la zone Chibitoke et la 20e avenue de la zone Buyenzi. Burundi Echo estime que c'est un combat singulier et que tout le monde doit monter au créneau, surtout que le moyen de le prévenir est de fournir l'eau potable à la population et d'alimenter les conditions d'hygiène et d'assainissement. Menons ce combat sans armes qui ne nécessite pas d'appuyer sur la gâchette avec la dernière énergie. Sinon, le contraire nous mènera à mordre la poussière et finir dans la tombe, renchérit notre confrère. Burundi Echo écrit aussi sur le jet présidentiel Gulfstream Give 1151 au garage en Espagne. L'avion présidentiel n'a pas encore joué son rôle il y a de cela plus de 5 ans selon le magazine. Il revient sur les propos du chef de l'État qui reconnaît que l'avion a un défaut. Il est au garage à Madrid en Espagne avec probabilité d'être transféré en Angleterre pour être réparé une fois le défaut repéré. Pour rentabiliser le jet présidentiel, le Conseil des ministres avait proposé en 2017 qu'il soit loué. Que l'aéronef soit en stationnement ou en fonctionnement, il nécessite des dépenses liées à la maintenance, à l'exploitation, les dépenses associées, etc. Vaut mieux l'exploiter et l'entretenir via les recettes qu'il a faites lui-même rentrer, a déclaré Évariste Ndayishimiye, président de la République, le 30 décembre 2022, lors d'une émission publique. Point final à cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Restez branchés, nos programmes continuent. À la prochaine. Revue de la presse.